Maris Bosseno, job coach au sein du dispositif Goanag, un dispositif et un outil de soins et de réhabilitation pour des personnes qui vivent avec une pathologie psychiatrique impactante. Goanag veut dire espoir en breton. Ce dispositif s'adresse donc à des personnes qui sont fragilisées par des troubles psychiques, qui sont à la recherche d'un emploi en milieu ordinaire, qui sont majeures, motivées, volontaires, et avec ou sans la reconnaissance travailleur handicapé. Les deux obligations pour intégrer donc le dispositif, c'est une fiche de prescription d'un médecin psychiatre et un suivi régulier avec une équipe de soins, CMB ou hôpital de jour. Sachant que le dispositif est gratuit à 100% pour le bénéficiaire. Le dispositif Goanag, il s'appuie sur une méthode qui s'appelle IPS, donc c'est Individual Placement and Support. C'est une méthode qui nord-américaine, des années 90, et qui a fait ses preuves parce que 60% des personnes accompagnées retrouvent un travail en milieu ordinaire. C'est une méthode innovante parce que les dispositifs d'insertion professionnelle traditionnels aujourd'hui proposent bien souvent en amont des évaluations, des stages, des périodes d'immersion. Et là, avec cette méthode, on place la personne au sein de l'entreprise et on forme sur le tas. Suite à la formation que j'ai suivie, IPS, on nous a raconté donc un accompagnement réel, hein, une personne donc, qui souffrait donc, d'un trouble psychique et qui souhaitait être pilote d'avion. Et donc, il n'y a eu aucun jugement sur ce projet professionnel. Et donc, l'équipe de Job Coach l'ont accompagné à réaliser des enquêtes métiers auprès de différents pilotes d'avion. Donc, les pilotes d'avion, suite à ces enquêtes métiers, lui ont indiqué toutes les études qu'il fallait reprendre, les matières les plus importantes. Et cette personne s'est dite « Mais moi, j'ai pas envie de reprendre d'études. Je m'en sens pas capable et j'en ai pas envie. » Et donc du coup, l'équipe de Job Coach a cheminé avec cette personne et aujourd'hui, elle est barman au sein d'un aéroport. Et donc du coup, elle voit des avions tous les jours et elle est satisfaite de son projet professionnel actuellement. Cette méthode, elle repose sur 8 principes. Donc le premier, c'est la recherche de travail en milieu ordinaire parce qu'on n'accompagne pas les personnes vers le milieu protégé. Il y a déjà des dispositifs d'accompagnement qui existent et qui le font déjà très bien. Un accès rapide à l'emploi. En étant très attentif au rythme de la personne. Hein. Le but, c'est pas de lui mettre de pression. Mais la méthode dit que dans les 30 jours de l'intégration au sein du dispositif, il y a un contact avec un employeur. Donc, ça ne veut pas dire signature d'un contrat, mais ça veut dire une enquête professionnelle ou une visite d'entreprise ou un forum d'emploi, etc. La méthode, elle est basée aussi sur les choix et les préférences de la personne. C'est-à-dire que c'est la personne qui va choisir son projet professionnel, qui va choisir les lieux de nos rencontres. Ça peut être dans un bar, ça peut être dans une médiathèque, ça peut être dans un parc, ça peut être en marchant. Elle choisit également le choix de divulguer ou pas sa problématique de santé auprès de son employeur. Et en aucun cas, le job coach viendra juger ses choix. C'est vraiment la personne qui nous guide dans son cheminement personnel. L'accompagnement a une durée illimitée dans le temps. C'est-à-dire que si la personne souhaiterait soutenue pendant 3 mois, on est là 3 mois. Si c'est 5 ans, on sera là 5 ans. Et si c'est 10 ans, on sera là 10 ans. C'est vraiment elle qui mettra fin à notre accompagnement quand elle le jugera nécessaire. On est aussi en étroite collaboration avec les équipes de soins, toujours avec l'accord de la personne, mais pour faire des points réguliers en présence de la personne, hein, faire des rendez-vous tripartites pour faire des points sur le cheminement et les avancements de l'accompagnement, ou de mettre en lien aussi avec une assistante sociale du CMP s'il y a des démarches administratives à faire. Donc on est vraiment en étroite collaboration. Et on a aussi l'obligation de communiquer sur les enjeux économiques. C'est-à-dire que l'accès à l'emploi peut avoir des répercussions sur le versement des allocations, et notamment l'allocation adulte handicapé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit informer également la personne. Et le dernier principe, c'est on a tout un travail de prospection des entreprises du territoire. C'est-à-dire qu'on va à l'encontre de l'employeur pour connaître ses besoins, pour connaître les profils qu'elle recherche, pour connaître les périodes d'embauche propices et donc récolter un certain nombre d'informations. Et le job coach ne va pas accompagner la personne vers des domaines qui sont porteurs, mais vraiment vers le projet professionnel qu'elle rêve. Il suffit que la personne exprime auprès de leur médecin psychiatre ou auprès d'équipes de soins leur motivation à retrouver un travail en milieu ordinaire. Et à partir de ce moment-là, la personne peut contacter le dispositif GoAnag pour en savoir un petit peu plus sur les modalités d'accompagnement. Et si le dispositif répond aux attentes de la personne, on l'invite à prendre contact avec son médecin psychiatre pour qu'il nous adresse la fiche de prescription médicale. Et à réception de cette fiche de prescription médicale, nous, dans les 8 jours, on prend contact avec la personne pour fixer un premier rendez-vous. Et l'accompagnement peut démarrer. Pour nous contacter, donc on a sur le site du centre de réadaptation de Billiers, il y a donc l'espace job coaching. Et donc vous avez les coordonnées des 3 job coachs s'y retrouvent, ainsi que notre adresse mail. Dans chaque département français, il existe ce qu'on appelle l'emploi accompagné. L'emploi accompagné s'appuie également de la méthode IPS. À la différence, c'est qu'ils accompagnent du coup des personnes avec tout handicap. Et l'obligation pour bénéficier de cet emploi accompagné, il faut pour le coup la reconnaissance travailleur handicapé et une notification de la MDPH. Donc ça, l'emploi accompagné, on le trouve dans chaque département français. Des dispositifs similaires à GoAnag qui accompagnent des personnes fragilisées par des troubles psychiques et qui n'ont pas l'obligation d'avoir la reconnaissance travailleur handicapé n'est pas systématiquement présent sur tous les départements français, mais il en existe plusieurs en France. Depuis, comme on a créé en mai 2022, les premières demandes, dans les 8 jours, la personne pouvait démarrer l'accompagnement. Là, aujourd'hui, nous accompagnons 50 personnes depuis début juillet 2022 et on a fait le choix de privilégier notre qualité d'accompagnement et donc de mettre en place une liste d'attente parce qu'on se déplace sur l'ensemble du territoire du Morbihan et donc du coup, on est aussi beaucoup sur les routes parce qu'on va vers la personne et donc du coup, aujourd'hui, une personne qui est intéressée pour entrer dans le dispositif, il nous est difficile de communiquer une date précise parce qu'il faut savoir que l'accompagnement de GoAnag a une durée illimitée dans le temps. Donc on ne peut pas présumer des départs des personnes qui intègrent le dispositif. Les différentes étapes de suivi, donc à partir du moment où on reçoit la fiche de prescription médicale du psychiatre, on contacte la personne dans les 8 jours. Et donc, on programme une rencontre dans le lieu où elle le souhaite. Vraiment dans un lieu où elle se sent en sécurité et où elle a des repères également. Donc, la première phase dure à peu près 1 à 3 rendez-vous, ce qu'on appelle la phase d'accueil, où on va remettre tous les documents administratifs liés à l'entrée du dispositif. Et surtout, où on va signer la convention de collaboration, où là, la personne va inscrire ses besoins et ses attentes par rapport à notre accompagnement. On est sur un rendez-vous par semaine, dans le démarrage en tout cas. Et une fois que cette phase d'accueil est réalisée, on est directement dans le concret sur de la recherche d'emploi. Et dans cette phase de recherche d'emploi, en quoi on peut aider la personne ? C'est en fonction de ses besoins, bien sûr, et ça peut être par exemple de l'aider à construire son CV ou de le mettre à jour. Ça peut être de réaliser sa lettre de motivation. Ça peut être de simuler des entretiens d'embauche pour préparer ces entretiens d'embauche. Ça peut être aussi de l'accompagner à faire des enquêtes professionnelles pour confirmer si son projet, ses attentes, pour confirmer son souhait. Ça peut être également de prospecter ensemble les entreprises vers son rêve professionnel. En amont, on peut aussi accompagner le jour de l'embauche, l'entretien d'embauche, la personne, si elle souhaite divulguer en tout cas sa problématique de santé, on peut être présente à l'entretien. Ou on peut tout simplement accompagner la personne jusqu'à la porte de l'entreprise, parce que c'est toujours des moments un peu stressants, et c'est juste de permettre de rassurer et de permettre de détendre un petit peu cette phase d'appréhension. Et une fois que la personne est en entreprise, eh bien, si elle divulgue sa problématique de santé, on peut intervenir au sein de l'entreprise pour négocier des aménagements sur l'horaire, sur du tutorat, sur des personnes ressources, pouvoir échanger aussi sur une situation problématique au sein de l'entreprise, relationnelle ou technique, de mettre en place des fiches techniques sur le poste. On peut aussi intervenir pour sensibiliser sur les troubles psychiques l'équipe de travail au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut intervenir en présence de la personne. Et si la personne ne souhaite pas divulguer sa problématique de santé, on va pouvoir échanger, de soutenir sur la réalisation d'un mail pour l'envoyer à son responsable, d'essayer de prendre du recul par rapport à la situation et de voir comment on peut dire les choses à son collègue ou comment, si c'est une difficulté relationnelle. Voilà, et une fois que la personne sent un certain équilibre, une certaine stabilité, elle peut nous dire, on peut espacer les rendez-vous et les rencontres. Donc du coup, on peut passer tous les mois. Là, aujourd'hui, moi, il y a des personnes qui souhaitent avoir une rencontre physique tous les 3 mois, parce que tout se passe bien. Et sachant qu'on est joignable, je ne vais pas dire 24 heures sur 24, mais on est réactive, toutes les trois, en fonction de situation. Si, par exemple, une personne a un entretien d'embauche le lendemain, il y aura toujours une de nous trois qui sera disponible pour pouvoir faire une simulation, une préparation. Ou s'il y a une difficulté relationnelle qui est importante et qui pèse pour la personne, eh bien, on se rend disponible pour pouvoir échanger de cette situation très rapidement, pour pouvoir justement évacuer un peu cette tension. Donc on essaye vraiment d'être disponible et au plus près des besoins de la personne. Et en fonction du cheminement de la personne, elle pourra nous dire à un moment ou à un autre, écoutez les filles, là, moi j'ai plus besoin de votre accompagnement, votre soutien. Donc je pense que je vais sortir du dispositif. Et elle aura juste un courrier, cette personne, à nous adresser, exprimant son souhait de quitter le dispositif. Ce dispositif vise à une meilleure qualité de vie, de réduire la stigmatisation et l'autostigmatisation, de favoriser l'inclusion professionnelle et le maintien en poste, et d'avoir un moindre recours au système hospitalier. Ce dispositif, il est issu de travaux du projet territorial en santé mentale, donc plusieurs partenaires ont travaillé ensemble sur ce sujet, qui étaient convaincus que le travail est marqueur d'accomplissement personnel, d'épanouissement et de réussite. Il faut savoir aussi que, je ne l'ai pas dit auparavant, mais le dispositif a été créé en mai 2022, donc ça fait tout juste un an, et il est financé à 100% par l'ARS, et il l'est à titre expérimental pendant 3 ans. Effectivement, on se rend bien compte, là, depuis la création du dispositif, qu'il y a des besoins sur le territoire, mais ça sera la décision de l'ARS de le pérenniser, mais on y croit. Parce que ça fonctionne bien et peut-être de développer aussi les différents job coachs. Aujourd'hui, on est 3 job coachs, mais peut-être de développer donc aussi des unités éventuellement dans le département à plusieurs endroits. On a normalement une capacité de 60 personnes, mais comme je disais tout à l'heure, on a voulu plutôt privilégier la qualité de l'accompagnement que d'en prendre 60 et pas faire notre accompagnement comme on le souhaite, quoi. Sachant qu'on a quand même beaucoup de trajets aussi, le fait qu'on intervient sur l'ensemble du territoire. Il faut savoir que le job coach est un interlocuteur privilégié pour la personne et un facilitateur pour donc la reprise pour la recherche d'un emploi et le maintien en poste. Mais au sein du dispositif, on ne parle pas de prise en charge, on parle de collaboration, on parle de co-construction du projet de vie de la personne. Et justement, au fil des rencontres, au fil de l'accompagnement, on peut repérer ensemble des freins qui justement bloquent la recherche d'emploi ou freinent le maintien en poste. Et donc là, le rôle du job coach va être de faire des propositions de stratégies ou d'alternatives. Et du coup, la personne en dispose et elle en fait ce qu'elle souhaite. Et le job coach est aussi un médiateur, c'est-à-dire qu'il facilite la mise en relation avec d'autres professionnels compétents pour des besoins exprimés par la personne. Ça peut être la mise en relation avec un groupement d'entraide mutuelle ou d'un service d'accompagnement à la vie sociale ou de l'inscription sur une plateforme de mobilité. Ou en lien avec Pôle emploi ou Cap emploi ou une assistante sociale d'un CMP pour des démarches administratives. On facilite la mise en relation. Mais effectivement, il y a quand même une relation de confiance qui s'établit au fil de l'accompagnement. Donc c'est chouette. Et ce qui, je ne l'ai pas dit ça aussi, mais c'est qu'on est en multi-référence toutes les trois, les job coach, et du coup, on n'est pas référente d'une personne. C'est-à-dire que on connaît les 50 situations. Et donc, du coup, toutes les semaines, par exemple, moi, je vois un bénéficiaire toutes les 3 semaines. Vu que c'est un rendez-vous toutes les semaines, on est 3. Donc, c'est à tour de rôle. Hein. Et ça permet aussi d'être justement cette souplesse que si demain, il y a une des personnes qui nous appelle parce qu'elle a besoin de nous, on connaît la situation et ça du coup on est plus réactive, donc ça c'est plutôt chouette. Et puis si la relation aussi parce que ça arrive hein, ça peut très bien pas bien se passer parce qu'on n'a pas forcément l'affinité, ça permet aussi de tourner et de pas toujours avoir le même interlocuteur. On a chacune 50 personnes à connaître, chaque 50 situations. C'est déjà arrivé parce que la personne a cheminé lors de nos rencontres et pour certaines se sont rendues compte que la recherche d'emploi au final c'était prématuré et qu'elle a connaissance du dispositif, elle sait qu'on est là et qu'aujourd'hui même avec les petites démarches que l'on a amorcées, eh bien elle s'est rendue compte que c'était prématuré, mais c'est plutôt positif parce qu'elle a cheminé aussi et qu'elle s'est sentie qu'elle n'était pas prête aujourd'hui. Et donc, elle a mis fin à notre accompagnement. Mais c'est qu'on est joignable à tout moment si elle souhaite réintégrer le dispositif. La plateforme de mobilité, c'est pour des personnes, ça existe hein, ici, pour le département du Morbihan, c'est WeMove. Et Lorient, il y a TeamMove également, qui vont accompagner les personnes qui ont des difficultés de mobilité, parce que c'est bien souvent un frein à la recherche d'emploi et donc du coup qui vont les accompagner sur ça peut être une aide financière pour passer le permis, ça peut être une auto-école solidaire, ça peut être des garages solidaires aussi pour les frais des voitures, un accompagnement sur la mobilité douce, sur l'utilisation d'un vélo électrique ou trottinette, etc., sur du covoiturage. Enfin, de balayer toutes les situations possibles ou les alternatives pour favoriser justement une insertion en milieu professionnel. J'adhère complètement à cette méthode IPS et j'ai vraiment fait un grand pas de côté par rapport à mon accompagnement. Et aujourd'hui, je ne vois plus du tout le métier de la même manière en justement en redonnant le pouvoir d'agir à la personne. Et de laisser la place à de l'espoir, de laisser la place à des projets sans y mettre de frein, sans y mettre de jugement, c'est vraiment très libérateur en tant que professionnel. Et de voir les yeux des personnes pétiller, de les voir s'épanouir au fil de l'accompagnement, c'est super satisfaisant.